an emotion. Plus je connais mes amis, mieux j'aime mon chien. Plus je connais mes amis, mieux j'aime mon chien. C'est pourquoi je préfère marcher seul. Plus je connais mes amis, mieux j'aime mon chien. Plus je connais mes amis, mieux j'aime mon chien. Plus je connais mes amis, mieux j'aime mon chien. C'est pourquoi je préfère marcher seul. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Avec des amis comme ça, on s'attire des ennemis. La moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître. La moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître. Ils peuvent te gorger dans un lit blanc, sans qu'on ne voit ton sang. Dégorger dans un linge blanc, sans qu'on ne voit ton sang. Ce sont des serpents en pantalon, des serpents en jupon. Ce sont des serpents en pantalon, des serpents sans nom. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Accompagné par...